6 fois 2 carré. Prévisible, incrédule. Ton âme me donne l'overdose d'émotion qui me fait prendre conscience de ma fragilité. Des gestes futiles mais remplis de tendresse. Tendre geste au contact desquels mes peines quotidiennes s'évanouissent. Moi si froide, carré, prévisible, incrédule. Moi si froide, carré, prévisible, incrédule. Ton amour me donne l'overdose d'émotion qui me fait prendre conscience de ma fragilité. Des gestes futiles mais remplis de tendresse. Tendre geste au contact desquels mes peines quotidiennes s'évanouissent. Moi si froide, carré, prévisible, incrédule. Mais suffit de m'arrêter devant ton image pour que oui s'envole l'apathie, pour que oui s'envole la tristesse, pour que oui s'envole la tristesse. Aïe maman, j'y perds mon latin. J'y perds mon latin. Bukate sonne quoi dit na kopondé. Des gestes futiles qui illuminent ma vie. Montre-les-moi toujours. Aïe, je recherche ton sourire. Rien que ça. Ma vie s'illumine, Nanya Kikaina. Oui, de l'eau. Tanda tamba e kamba mene. Bola bandolo kamba mene. Tanda tamba e kamba mene. Bola bandolo kamba mene. Dimbana babongoi, dimbana babongoi. J'y perds mon latin. Dimbana babongoi. Soy nakoyo bata et moi mon bébé. Oui, rien que moi mon bébé.